Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le jeudi 10 février 2022. C'est Chris, il est un peu plus de 14h et les 14h01 même, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Vous êtes bien sûr en direct comme je viens de le dire. Et je l'avoue, hier je vous avais dit que l'émission d'aujourd'hui serait certainement une rediffusion. Mais finalement j'ai changé d'avis et comme je ne voulais pas vous laisser sans rien, nous sommes là aujourd'hui. Car ce sera une édition un peu particulière de Fréquence Libre, puisque c'est une édition spéciale info locale, parce que c'est important de relier ce qui se passe localement. Et donc dans cette émission, nous écouterons les enregistrements, les billets de sortie de Laura, notre ancienne stagiaire d'il y a un mois à peu près, de Dany, notre stagiaire actuel qui termine demain. Et nous écouterons également certains de mes sons préférés. Donc voilà, par contre, cette émission ne fera peut-être pas une heure, tout à fait une heure, nous verrons bien comment ça se passera du coup à l'avenir. Et du coup on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite écouter Dany, à qui nous parle de la 25e semaine de la photographie. On écoute déjà Dany et puis on se retrouve juste après ce petit enregistrement. Donc Dany, je te laisse la parole. De RGM, c'est Dany et nous sommes avec Daniel Fischer, adjointe au maire en charge des animations, qui va nous parler de la 25e semaine de la photographie qui se déroulera du 3 au 13 février prochain. Bonjour Daniel Fischer. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Pour l'instant, bien. On va commencer cette petite interview. D'accord. Qui organise ce festival ? Écoutez, ce festival est organisé par la municipalité depuis déjà 25 ans, puisque ça va être la 25e édition. Voilà. Ben effectivement, c'est la ville. Ça fait déjà un certain nombre d'années. Hein. Oui, oui. Ben, tant mieux. Et ça a toujours le même succès, entre autres. Et ben, c'est exactement ce qu'on souhaite. Voilà. Ah ben, nous aussi, d'ailleurs. Forcément. De ce festival, justement, vous le préparez depuis quand ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des... C'est quand même de longue haleine. Hein. Je sais que Françoise travaille sur ce sujet depuis au moins une année, mais depuis au moins 6 mois de façon intense. Hein, parce que vous voyez bien, d'autant plus qu'il y a eu ce problème avec le Covid, oui, en plus. Donc il y a différents artistes qui n'ont pu se libérer, donc il a fallu recontacter un certain nombre de photographes. Donc c'est vrai que c'est quand même un travail, un très très long travail de longue haleine et très minutieux surtout parce qu'il faut faire le choix des photos et ça c'est un gros travail, voilà. Ah, j'imagine. Et justement, alors, on disait que ça faisait 25 ans, et il avait été organisé à l'origine dans quel but ? Eh bien, je pense que c'était une animation. Je pense qu'il y a quelques photographes qui étaient là et qui ont émis cette idée de vouloir faire un petit salon de la photographie. Alors bon, c'est sûr que ça a commencé petitement, et puis au fil des années, ben, ça a pris de l'importance et notre salon est quand même reconnu et bien visité. Voilà, parce qu'il y a de très très belles choses. J'imagine, mais alors les photographes sont des gens d'ici ou est-ce qu'il y a aussi des gens... Il y a des gens du secteur, il y a des gens des départements limitrophes, et voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes qui nous ont contactés et qui n'étaient pas forcément des Vosges, et qui sont quand même des départements limitrophes. Ben c'est bien, du coup, ça attire aussi d'autres artistes, j'allais dire. Forcément, oui. Alors, et l'équipe qui organise ce festival, elle compte combien de membres à peu près ? Ah ben, comme membres, pour l'instant, il y en a quand ? Il y a Françoise, Madame Armand, qui prépare cette exposition. C'est pour ça que je vous disais que c'était un travail de longue haleine. Elle est toute seule, mais... Elle le fait depuis des années, hein. Alors elle est assez bien roulée, bah, j'imagine. Je vous avoue. Puis elle connaît, elle a des contacts un peu partout. C'est sûr que en 25 ans, elle s'est fait un bon réseau. Un bon réseau, oui. Voilà. L'entrée est-elle gratuite ? Les entrées sont gratuites, bien entendu. Et il y aura simplement une chose qui sera payante, c'est que le film, vous savez, qui va passer, La Panthère des Neiges, oui, va passer donc le samedi 12 à 16h, et le prix d'entrée sera de 5 euros. D'accord. Alors, voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs endroits où ça se déroulait, c'était... Ah oui. Ah bah oui, le but, c'est que depuis déjà 2 ans, il y avait au départ, c'était que à l'hôtel de ville et à l'espace Gilbert Zog et aux volontaires qu'il y avait des expositions et il n'y avait pas d'exposition en extérieur. Là. Et avec le Covid, on a mis en place déjà l'année dernière d'ailleurs, donc l'exposition en extérieur, c'est-à-dire tout le long de la rue Charles de Gaulle, le long de la médiathèque. Il y en aura autour de l'hôtel de ville, oui, aussi. Oui. Et l'abbatiale, oui. Oui, oui, effectivement, il y en a, je les ai vus tout à l'heure en passant, au niveau de l'abbatiale, voilà. Et puis après, en intérieur, donc vous aurez donc à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans le hall d'entrée déjà, à l'accueil, il y a déjà une exposition de fête, ensuite au grand salon. D'accord. Voilà. Et puis il y aura aussi bah, donc aux volontaires, donc les jours d'ouverture du volontaire, hein, du marché. Il y a une exposition aussi à la médiathèque et au centre culturel de Gilles Bersin. D'accord. Voilà, tous les endroits où on pourra aller voir ces belles photos. J'allais vous dire, que s'y passe-t-il? Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a un thème ou des thèmes de prédilection sur ces photos? Eh bien, écoutez, cette année, ça s'appelle flânerie. D'accord. Donc, c'est tout pour vous détendre, pour flâner le long des rues. Le thème, il n'y a pas franchement de thème choisi. C'est surtout le thème sur la nature. Hein, vous aurez, par exemple, dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, vous avez des photos de champignons. À l'hôtel de ville, au grand salon, c'est surtout, il y a pas mal d'animaux. À un autre endroit, ça va être des paysages très, très reposants. Voilà, oui, voilà. Très variés, du coup. Il n'y a pas un thème vraiment établi. Il y en a un petit peu de toutes les façons. Et alors, du coup, combien de photographes seront présents? Il y aura cette année 18 artistes qui seront là présents. Et naturellement, à l'issue de cette exposition, le vendredi, il y aura un jury pour couronner la meilleure photographie. Voilà. D'accord. Et faut-il s'inscrire pour pouvoir venir ou... Non, du tout, c'est entrée libre, hein, bien D'accord. sûr, tout est entrée libre. Est-ce que l'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, bien entendu. De toute façon, c'est quasiment obligatoire sur les réseaux sociaux, si on veut que la communication passe bien. Alors, en plus, vous m'avez parlé de jury, je vais revenir un peu dessus. De qui se compose le jury? Il y a plusieurs photographes professionnels. Hein. D'accord. Alors, il y aura Monsieur Pierre Falquèbre, Monsieur Jackie Mounin, Madame Claudine Omer-Roudy, Régis Mangeol, Francis Aubertin et Romain Miotte. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, il y a du bon monde, j'allais dire. Voilà, il y a du bon monde, voilà, comme vous dites. Voilà. Et une dernière petite question. Se déroule-t-il entièrement du 3 au 13 inclus? Oui. D'accord. Oui. Eh bien, écoutez, merci pour votre temps. Vous avez concentré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça marche toujours aussi bien et que ce soit toujours de plus en plus beau et qu'on ait de plus en plus de visiteurs. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite également. Merci pour cette interview. Et moi aussi, je vous remercie. Voilà, bonne fin de journée. À vous-même. Et chers auditeurs, Daniel Fischer, que vous pourrez retrouver à la 25e semaine de la photographie du 3 au 13 février prochain. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Voilà pour le petit enregistrement signé Dany, notre stagiaire de 2 semaines, donc comme il l'a rappelé, du 3 au 13 février, donc c'est une semaine de 10 jours. Voilà, ici, voilà, arrête de Guémozon, on fait rien comme les autres, c'est une semaine de 10 jours, du 3 au 13 février. Voilà, c'est ensuite on va directement enchaîner sur un autre enregistrement du coup de la part de Dany qui nous a fait avec je vous avoue, j'ai pas le nom de l'intervenant, il nous le dira, pour parler de Eroticar qui a lieu à Plombières. Donc c'est depuis le 5 février à Plombières. Donc du coup là il y a encore 3 jours, donc le 12, le 13 et le 14 février. Voilà, Eroticar. Donc je vous laisse avec un nouvel enregistrement de Dany et ensuite on enchaînera sur la première fréquence musicale comme j'aime à la paix. Donc on écoute l'enregistrement de Dany qui nous parle de Eroticar. Pardon, avec son intervenant du coup. Bonjour chers auditeurs, c'est Dany, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Lucas Tchiria du festival Eroticar qui se prépare en ce moment activement et qui se déroulera les 5, 6, 12, 13 et 14 février prochains. Bonjour Lucas Tchiria. Bonjour Dany. On va commencer par une petite question, qui organise ce festival? Alors c'est une association, la Source des Artisans d'Art, qui existe depuis 2017, voilà, qui est une association de plombières qui réunit des artistes et des artisans d'art. C'est très intéressant. Depuis quand cela existe? Alors, Eroticar existe depuis 2017. On a fait la première édition en 2017, donc ce qui fait que c'est la 5e. Ça aurait dû être la 6e, mais comme l'année dernière, on n'a pas pu la faire, voilà. Oui, effectivement, le Covid n'arrange pas. Voilà. Alors, depuis quand il se prépare ce festival? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des préparatifs. Oui, c'est des préparations qu'on fait. C'est une organisation qu'on fait presque tout au long de l'année, je dirais. On y pense régulièrement. Bon, là, ça s'active depuis depuis deux mois. On est un petit peu plus, pas stressé, mais je dirais un peu plus actif. Bien sûr. Pour créer cet événement. Mais voilà, c'est un événement qui se prépare tout au long de l'année. Hein. Dès qu'on rencontre des gens, on parle de cet événement pour éventuellement attirer d'autres artistes ou d'autres artisans d'art, puisqu'il y a également des artisans d'art avec les artistes. Voilà. D'accord. Dans quel but, du coup, ce festival a été créé ? C'était juste pour le côté artistique ou... Alors, justement, cet événement a été créé donc en 2017 pour réunir au départ les artistes et les artisans d'art de Plombières, puisqu'on était à l'époque, on est toujours à peu près, même s'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, on est toujours à peu près une quinzaine d'artisans et d'artistes sur Plombières. Et c'était le but de se retrouver tous ensemble, parce qu'il n'y avait encore jamais eu d'événement où tout le monde était ensemble. Et l'idée était effectivement de se regrouper pour autour d'un thème qui était l'érotisme, un thème qui est pas trop utilisé ou pas trop vu dans le coin, sur la région. Donc c'était l'occasion de créer un événement un peu plus particulier. Et en plus, on avait décidé de le créer, et on fait toujours, autour de la Saint-Valentin. Ce qui fait que c'est au mois de février et donc une période, je dirais, un peu creuse au niveau des... Voilà. Donc c'était pour faire en même temps bouger la ville un petit peu dans une période un peu creuse. Effectivement, alors, on va parler un peu, entre guillemets, des choses qui fâchent. L'entrée est-elle gratuite ? Oui. D'accord. L'entrée est gratuite, c'est une chose à laquelle on tient pour que tout le monde puisse venir sans aucune contrainte de finance, quoi. Voilà. Et alors, j'imagine que vous êtes une équipe tout de même constituée. Vous êtes combien d'intervenants ? Pour l'organisation ? Oui. Ou pour l'organisation, on est 7 en ce moment. 7, 8, quoi, ça dépend. Il y a des personnes qui viennent donner un coup de main comme ça. D'accord. Voilà. Ah oui. Ça se déroulait à Plombières-les-Bains, c'est bien cela ? Ça se déroule à Plombières-les-Bains, oui. Et donc, du coup, que s'y passe-t-il concrètement ? Alors, cette année, donc, l'édition se déroule dans une seule salle. Les autres éditions se déroulaient dans plusieurs salles dans toute la ville. D'accord. L'année-ci, on a décidé de réunir tout le monde dans une seule salle. Enfin, pas tout à fait une seule salle, puisqu'il y aura une annexe, ce qu'on va appeler l'annexe Le Phare, donc dans une boutique du centre, où il y aura des choses, un petit boudoir, enfin, un petit truc un peu plus chaleureux, enfin, voilà, un petit peu plus tranquille. D'accord. Avec des espaces de livres, enfin, etc. Donc ça va être le phare. Et par contre, donc l'espace Berlioz, donc qui est place Jeannot, Maurice Jeannot, qui lui va réunir tous les autres artistes et artisans. D'accord. Ouais. Et pour ce qui est des modalités d'inscription, est-ce qu'il faut d'ailleurs s'inscrire pour participer à cet événement ? Alors pour les artistes donc qui vont participer et qui sont de l'ordre de 35 exposants en tout, il fallait s'inscrire. Maintenant je dirais que c'est un peu juste pour s'inscrire, quoique si on a encore un petit peu de place, on veut bien accepter quelqu'un. Mais après la personne ne sera pas dans toute la documentation. On a fait un livret et tout ça, voilà quoi. Oui, forcément, ça chamboule les plans. Voilà, tout ça est bouclé. Mais après, bon, pourquoi pas, oui. Par contre, les visiteurs, ils viennent ma foi, c'est entrée libre, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Et j'imagine qu'il y a un âge tout de même pour venir. Alors l'âge, effectivement, oui, c'est normalement réservé aux majeurs, aux personnes majeures. Après, c'est pas du porno ni des trucs comme ça. Hein. Non, c'est vraiment du, hein, c'est vraiment de l'érotique. Donc il y a des choses effectivement qui sont des personnes dénudées, enfin des photos ou des peintures. Voilà, mais bon, ça reste quand même relativement soft. Il y a quelques éléments qui sont un petit peu plus osés. Donc ceux-là, on va les mettre dans un endroit un petit peu plus spécial avec un avertissement pour au cas où. Après, si les parents veulent venir avec des adolescents ou des choses comme ça, c'est de leur responsabilité. Normalement, il n'y a pas grand chose. Ça ne serait pas non plus, c'est pas très choquant. D'accord. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a une carte de visite ou... Alors, ben oui, on a un Facebook. Hein. C'est Erotica Plombière. D'accord. Voilà. Puis sinon, là, sur le Facebook, donc il y a le programme qui va être qui est diffusé. D'accord. Alors, je ne sais pas si je peux vous le donner, peut-être, le programme. Vous pouvez, oui. Hein, c'est-à-dire que outre les expositions, donc sur des tableaux, des photos, des sculptures, enfin tout ça, il y a effectivement des animations. Par exemple, le samedi, donc il y aura 14 heures, donc c'est le vernissage. Oui. Et ensuite, vous avez dans la salle un auteur, Jean-Baptiste Messier, qui sera là pour dédicacer ses livres. Oui, d'accord. Qui tourne autour de l'érotisme. Oui. Le dimanche 6 février, il y aura toujours la dédicace de Jean-Baptiste Messier et également une performance de la danseuse Camille Mutel, donc est danseuse professionnelle, oui. Et qui propose un face-à-face d'une minute, une minute et demie, deux minutes grand maximum, dans une pièce où elle se retrouve toute seule avec le visiteur. D'accord. On peut pas dire ce qui s'y passe, mais voilà, ce sera la surprise. Ouais. Alors cette performance, il vaut mieux réserver avant, oui. Hein, puisque oui. Donc je peux vous donner le numéro de téléphone auquel il faut réserver. Ah, vous pouvez tout à fait, oui. Ouais, donc c'est le 06 40 84 26 87. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Voilà. Et donc, j'imagine, une dernière petite question, une petite parenthèse, j'imagine qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure du 14 février, jour de la Saint-Valentin. Oui. C'est sans doute un clin d'œil aussi, c'est sans doute fait exprès. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on tient, depuis le début, on tient, quel que soit le jour du 14, à ouvrir quand même l'exposition le 14. Ce qui permet aux gens qui voudraient faire une petite journée sur Plombières, par exemple, avec un petit resto, une chose comme ça, un petit tour au casino, enfin voilà, de venir aussi voir l'expo. Voilà. Eh ben, très bien. Et puis je tiens à vous rajouter quand même, parce qu'il y a d'autres animations le samedi et le dimanche le 12 et 13. Oui. Où là, nous avons un spectacle de Jeff Mougenot qui fait du body painting de son modèle et qui ensuite, une fois le body painting terminé, son modèle fait un spectacle, un show. Le samedi également, il y aura la projection du film Les Olympiades. Oui. Le samedi également, il y aura des dédicaces avec l'auteur Mel Lectra, qui fait également des livres érotiques, qui est une personne qui vient de Suisse. D'accord, ouais. Voilà. Et donc le 13 février, il y aura également des pâtisseries érotiques. Et au niveau gustatif, il y a également tout au long de l'exposition la bière érotique qui est brassée par la brasserie du Roulier juste à côté de Plombières. Signaler aussi, le dimanche, il y aura également du body painting dimanche 6. Eh bien, très bien, c'est noté. Eh bien, en tout cas, ça a l'air très intéressant, tout ça. Eh bien, merci à vous, Katiria. Ben, de rien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, beaucoup de visiteurs. Ma foi, on espère que cette exposition aura du succès. Et qu'on est reparti pour l'année 2023 après, quoi. Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous pour cette interview. Alors, Luc Atiria, que vous pourrez retrouver au Festival Érotiquart, chers auditeurs. On le rappelle, les 5, 6, 12, 13 et 14 février prochains. Voilà, c'est tout pour cette interview. Voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà donc pour Érotiquart de cette année. Du coup, donc encore 3 jours. Donc samedi, dimanche et lundi, le jour de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez chacune et chacun votre Valentin ou votre Valentine, ou si vous en avez pas, force, on est ensemble, parce que voilà. Du coup, nous sommes toujours en direct. Il est 14h19 et je vous propose maintenant de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que j'ai choisie, comme je n'ai pas d'invité, dans un premier de mes sons chouchou, comme le dirait Lia, que vous connaissez bien, et que nous écoutions pour commencer le rappeur nancéien Césure, avec son morceau intitulé S'aimer en enfer. C'est mon morceau du moment que j'écoute tous les jours à peu près. Voilà, pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire, c'est un morceau plutôt typé hip-hop rap. C'est un morceau sorti en 2020 et c'est un titre de l'album Trilogie entre parenthèses tome 2 et également présent dans l'album Peregrinus de Césure, album sorti le vendredi 24 juillet 2020. Donc on écoute Césure et son titre S'aimer en enfer et on se retrouve juste après, d'ici on va dire à peu près, un peu plus de 3 minutes. Voilà, donc à tout de suite sur Radio Gémondo. Ça va le faire, on fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini entre nous. Non bébé, te prends pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini entre nous. toi qui avais peur de me voir dans les draps d'une autre. Je t'ai retrouvé au petit matin, enlacé dans les bras d'un autre. Au fond, je savais très bien que t'en valais pas la peine, qu'il y avait toujours un mensonge caché derrière un je t'aime. Et si l'amour est un jeu de rôle, alors je suis loin d'être le meilleur. J'ai peur de m'attacher, refaire les mêmes erreurs. Je regarde ma vie défiler, je fume un con, je suis déchiré. J'en ai plus rien à cirer, je sais quelle est ma destinée. Je suis en studio toute la journée, j'écris des milliers de sons. Je suis sur la scène toute la soirée, j'accumule les billets de sang. Et avec ou sans toi, j'irai bâtir mon empire. Numéro 16 pour le meilleur et pour le pire. Ne prends pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini entre nous. Non bébé, ne prends pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini entre nous. Je suis pas trop sentimental, je traînais en bas des bâtiments. J'avais la paire d'Air Max assortie à mon survêtement. Mais toi tu m'as tapé dans l'œil, tu disais que tu te sentais seul. Je pensais pas que t'étais comme celle, t'insultais quand on était seul. Je me suis mis à t'aimer, j'ai même pensé que t'étais la bonne. On est devenus des étrangers, j'ai brûlé les photos de l'album. Je me suis mis à t'aimer, j'ai même pensé que t'étais la bonne. On est devenus des étrangers, j'ai brûlé les photos de l'album. Pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini entre nous. Non bébé, ne prends pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça s'est fini entre nous. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo, toujours en direct. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter 6 heures avec le morceau intitulé S'aimer en enfer. Il est 14h23 et nous allons reprendre du coup cette émission spéciale Info Locale. Voilà, et on va tout de suite enchaîner avec la fête de la randonnée. On va faire un petit bond en avant cette fois-ci. Toujours Dany qui nous parle de la fête de la randonnée d'Épinal qui aura lieu du coup le 1er mai, donc dans à peu près deux mois et demi à peu près. Donc du coup on écoute la fête de la randonnée faite par Dany avec son intervenante, c'était une femme je crois, et on se retrouve du coup juste après, donc à tout de suite. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que vous allez bien. Et il va falloir, parce que je suis en compagnie de Christine Poissignon pour nous parler de la fête de la randonnée. Bonjour Christine. Bonjour. Comment allez-vous, dites-moi? Ben bien. Alors on va commencer par une petite question. Quand a lieu cette fête et où? Donc la fête de la randonnée aura lieu le dimanche 1er mai 2022. Et ça se situe dans la forêt près d'Épinal, à la Folie Finot exactement. Et qui organise cette fête? C'est le club vosgien, la section d'Épinal, qui propose, donc, on appelle ça un rallye d'orientation. Depuis quand cela existe? On a lancé la première marche d'orientation, enfin rallye d'orientation, en 2018. On l'a organisé en 2018 et en 2019, et avec la pandémie, il n'y a rien eu en 2020 et en 2021. Oui, effectivement, c'est vrai que ça a perturbé beaucoup de choses. Tout à fait. Et depuis quand elle se prépare? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des préparatifs longtemps avant, tout du moins en amont. Eh bien écoutez, je suis allée repérer sur le secteur de la Folie Finot deux parcours, regarder aussi les endroits où on pouvait placer des balises, oui. Donc voir si les travaux forestiers ne gênaient pas la bonne marche pour ces parcours-là. Quoi. Évidemment. Et j'ai envie de vous demander du coup, dans quel but a été créée cette fête? La fête de la randonnée, c'est pour faire découvrir aux gens un petit peu la randonnée sous une forme un petit peu inhabituelle. C'est-à-dire que les gens, quand ils font de la randonnée, ils suivent souvent, ils y vont avec un guide. Et là, c'est peut-être un peu pour les obliger un petit peu plus à réfléchir et à savoir utiliser une carte. Eh, c'est vrai que ça donne envie comme ça. Hein. L'entrée est-elle libre? Oui, oui, là, c'est gratuit pour tout le monde. Voilà. Buvette et restauration sur place? Il y aura une buvette sur place, oui. Et j'imagine qu'il faut un pass sanitaire aussi, vu les conditions. Ben, on verra. On verra en fonction de. Enfin, à l'époque, s'il faut le pass sanitaire ou pas. Mais comme c'est une activité qui se passe en plein air, donc pour l'instant, en plein air, il n'y a plus besoin de masque. Donc les gens vont partir entre 9h et 15h de l'après-midi, donc c'est assez échelonné, donc je pense que ça devrait pouvoir le faire cette année sans problème. Ah oui, effectivement. Vous avez combien d'intervenants sur cette randonnée pour, j'allais dire, pour encadrer un peu on va être une quinzaine d'organisateurs environ. Ah, belle petite équipe. Alors du coup, j'ai cru comprendre aussi que cette année, c'était pas forcément comme les autres, ce serait un peu différent. Oui. On propose deux formules. Il y a une première formule où c'est, enfin, les gens ont une carte. Sur cette carte-là, il y a un itinéraire qui est surligné. Oui. Donc, ils suivent cet itinéraire. Il fait à peu près 10 kilomètres. Et s'ils suivent bien l'itinéraire, ils rencontrent des balises. Et donc, ils doivent poinçonner les balises. Donc, il faut bien qu'ils fassent la relation entre la carte et puis le chemin qu'ils empruntent. Voilà. Et puis, la deuxième formule, c'est donc la même carte. Mais sur cette carte-là, il y a 22 balises qui sont placées sur des endroits caractéristiques du terrain. En général, ce sont des intersections ou des sommets ou des jonctions de ruisseaux ou des objets remarquables. Et donc, ils choisissent les balises qu'ils veulent faire et ils essayent de faire le maximum de balises dans le temps qu'ils veulent. Voilà. Ah bah, c'est très bien, ça donne envie. Oui, oui, tout à fait. Donc on parlait d'entrée libre, est-ce qu'il faut tout de même s'inscrire à l'avance? Non, les inscriptions c'est sur place. D'accord, c'est vraiment, ah oui, d'accord, donc c'est vraiment tout oui. Sur place. Pas d'âge requis? Non, bon, faut pas que les enfants, on laisse pas partir des enfants tout seuls, faut que les enfants soient accompagnés. Oui, bien sûr, bien entendu. Mais écoutez, en tout cas, merci pour cette petite interview, ça nous éclaire beaucoup, puis ça donne bien envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, on espère surtout le beau temps, parce que s'il fait beau, on aura du monde. S'il fait pas beau, ben, disons que les gens... Ouais, ça complique, ouais. C'est vrai que ça complique voilà. Les choses un peu. En tout cas, faut pas qu'il y ait de pluie, quoi. Voilà, c'est tout. C'est le principal. En tout cas, ben, merci à vous, Christine Poissignon. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on le retrouvera donc sur la fête de la randonnée à Épinal. Pour ma part, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Voilà, du coup, pour la fête de la randonnée qui aura lieu, du coup, à Épinal le dimanche 1er mai prochain. Voilà, d'ici à peu près 2 mois et demi. De toute façon, tous ces enregistrements, ces petits billets de sortie, comme on appelle ici à Radio Gamozo, présentés par Dany, vous les retrouverez demain sur nos ondes à 17h. Voilà, demain vendredi à 17h, où que vous retrouverez, du coup, tous les enregistrements que Dany nous offre. Voilà, que Dany nous a fait pendant son stage de 2 semaines. Voilà. Et donc, du coup, on va se relancer dans une petite info locale avant la prochaine pause musicale. Et cette fois-ci, nous allons écouter Laura, notre ancienne stagiaire, qui nous parle de l'événement, on va dire, de la manifestation Lire, c'est super, et d'un concert qui aura lieu les 11, 12 et 13 février. Donc, demain, samedi et dimanche. Voilà, entre autres. Donc, on écoute Laura et son petit billet de sortie concernant la manifestation Lire, c'est super, et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau billet de sortie. J'ai envie de partir loin pour me vider l'esprit, me déconnecter de la réalité pendant plusieurs jours, ne plus avoir ce stress permanent. Être dans un environnement sans prise de tête, sans soucis, loin de tout, loin du quotidien. Je voulais commencer par cette citation d'un anonyme parce qu'elle résume tout à fait ce que l'on vit en ce moment avec le coronavirus. Il nous empoisonne la vie, on ne peut plus faire ce que l'on veut depuis trop longtemps déjà. Oui, on veut se vider l'esprit, penser à autre chose et quoi de mieux que la musique et la lecture pour y arriver. Pour ça, je suis avec Marie-Hélène qui va nous parler de 2 événements organisés par les associations Oxygène et Asile Accueil 88. Tout d'abord, il y a Lire, c'est super qui se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 février au gymnase du lycée Jeanne d'Arc et un concert le samedi 12 février qui sera au Centre culturel de Remiremont. Marie-Hélène, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Alors, quel est votre rôle pour ces 2 événements? Alors, je suis donc présidente de l'association Oxygène et nous organisons notre 26e édition de Lire, c'est super. Donc, c'est une manifestation qui est connue et attendue des Romarimontains et même bien au-delà. c'est une édition particulière parce que ce sera notre dernière édition et on l'organise effectivement en partenariat avec l'association Asile Accueil 88 avec laquelle on travaille depuis déjà quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux actualités ? Alors, Lire c'est super, donc c'est une manifestation qui a lieu, comme vous l'avez dit, au gymnase Jeanne d'Arc. Et elle repose sur un principe original parce que on ne vend pas nos livres, on les présente au public, les gens peuvent se servir et, s'ils le souhaitent, faire un don pour soutenir les actions de nos associations. Comme il y a toujours des restrictions sanitaires, est-ce que vous avez une jauge à respecter et combien de personnes peuvent venir et à quel prix ? Alors, il n'y a pas de jauge, hein, puisque les jauges, ce sera terminé le 11 février. En revanche, eh bien, effectivement, il faut le masque et le pass sanitaire. Dans quel but avez-vous organisé ces deux manifestations ? Alors, cette fois-ci, les dons iront intégralement à Asile Accueil, dans la mesure où Oxygène va petit à petit arrêter ses activités. Et donc, ce sera pour Asile Accueil qui accompagne des personnes migrantes dans le département des Vosges, et plus précisément pour le groupe de Remiremont, Remiremont et ses vallées. Est-ce qu'on peut vous amener des livres ? Alors non. D'habitude, oui, on les prend volontiers, mais cette année, non, parce que c'est la dernière édition, et donc on ne peut plus les stocker. Donc après, on va les en faire don à l'association Bouchon 88, qui mène des actions justement en faveur des personnes handicapées. Donc on prendra plus de livres au cours du week-end, malheureusement. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour vous aider ? Oui, beaucoup. Ce serait très sympa de venir nous rejoindre le jeudi à 14h à Jeanne d'Arc, au gymnase, pour nous aider à installer les livres. Comment on peut vous contacter ? Alors, on peut me contacter au 03 29 62 54 85 ou bien sur la boîte mail d'Oxygène, oxygène.assos@wanadoo.fr. Alors, au cours de notre animation, nous aurons un rendez-vous littéraire avec une écrivaine syrienne qui s'appelle Madame Wejdan Nassif et qui va dédicacer son second livre qui s'appelle Avolo. Et elle sera là le samedi après-midi. Je voulais quand même revenir sur le concert du samedi soir qui a lieu au Centre culturel, comme vous l'avez annoncé. On aura en première partie une chorale syrienne qui s'appelle Yalil, qui reprend des chants traditionnels. Et puis, à 21h, le groupe Remontada, qui est un groupe vosgien de reggae français. Donc, on voulait marquer notre dernière animation par ce rendez-vous festif et musical. C'est super, merci d'organiser des événements comme ça, parce que c'est vrai que ça fait du bien de souffler un petit peu en ce moment. C'est vrai, surtout en ce moment. Et puis, merci à Radio Gemozo, qui nous a toujours bien accueillis et qui a toujours bien relayé toutes nos animations. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que de nombreuses personnes viendront s'évader avec les mots qui les transporteront et qui pourront se détendre au rythme de la musique qui les feront vibrer. À très bientôt sur Radio Gemozo. Voilà pour l'événement Lire, c'est super. On va pas dire organisé, mais présenté par Laura, notre stagiaire des trois. Pas de la semaine dernière, mais il y a trois semaines à peu près, voilà. Donc avant de poursuivre cette émission spéciale Info Locale, cette émission un peu particulière, je vous propose de nous lancer directement dans la prochaine fréquence musicale que j'ai choisie. Je me suis demandé à moi-même de choisir les pauses musicales, et je l'avoue, mes choix me plaisent bien. Voilà, c'était la blague de Chris. Donc nous allons écouter Naistro et son morceau intitulé « T'as pris mon cœur ». Pour donner les quelques références, c'est un morceau sorti en 2020 et issu de l'album « Dans les cordes » de Naistro, album sorti le vendredi 24 juillet 2020. Et pour la petite info complémentaire, car vous le savez, j'aime donner les infos complémentaires, l'histoire de ce titre est celle d'un amour salvateur, un regard qui efface en un instant tout malheur et toute faiblesse. Et pour Naistro, l'amour est une force qui permet de faire face à toutes les horreurs, une chance sans laquelle rien ne vaut la peine d'être vécu. Voilà, Naistro a d'ailleurs dit, je cite, « J'ai grandi dans l'arène ». Voilà, en un mot plutôt, j'aurais pas mon empire sans ma reine. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Donc on écoute Naistro avec T'as pris mon cœur et on se retrouve juste après d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Il suffit que je ferme les yeux pour t'apercevoir. Tu sais que je pense à toi, même sur un champ de bataille. J'écoute le ciel grand et l'amour foudroie les cœurs de pierre. Pendant que le doute s'installe, le bien, le mal, font la peur. J'entends que le ciel grand et l'amour foudroie les cœurs de pierre. Pendant que le doute s'installe, le suspense tue la peur. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez d'écouter Naestro avec le morceau intitulé T'as pris mon cœur. Voilà, un peu de rap, un peu de R&B, un peu de pop qui bouge bien. Voilà, nous allons reprendre cette petite émission. Et pendant cette pause musicale, j'ai été rejoint dans le studio par quelqu'un que vous connaissez bien. Je suis sûr que vous allez reconnaître sa voix. Donc, bonjour, qui êtes-vous ? Ah, je ne sais pas. Ah, voilà, il y a Lia. Plus le rire que la voix, je crois. Ouais, je pense. Ah, du coup, il y a Lia qui m'a rejoint. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Bah, ça va bien. Merci. J'ai une petite émission spéciale info locale aujourd'hui. Super. Ça fait du bien. Du coup, on va échanger pendant je sais pas combien de temps. Bon, on va voir. Voilà. Donc, de quoi veux-tu parler ? Eh ben, écoute, on va bientôt se faire rejoindre par Dany, notre stagiaire qui a entamé lundi sa deuxième semaine. Donc déjà demain, c'est déjà son dernier jour. Voilà, dans un cadre bien spécial. Hein, il veut appuyer un projet professionnel car il aimerait rentrer à la MAI, c'est une très célèbre école de musique sur Nancy. Donc il a fait appel à nous et voilà, Michel que vous connaissez aussi dans l'émission La Parole est à vous a été son intermédiaire. Pour voilà nous proposer sa candidature que nous avons acceptée avec grand plaisir et vous avez pu l'entendre à travers plusieurs interviews, il est quand même plutôt à l'aise. Bien sûr, totalement. Oui. Voilà, donc ça nous fait plaisir. Donc il va bientôt arriver, je sais pas, il s'est échappé, il s'est envolé, il est peut-être parti chez lui, peut-être qu'il avait plus envie. Ouais, donc il va bientôt arriver et il va nous faire un petit débrief de ces quelques jours avec nous. J'espère qu'il aura apprécié. Ouais. Ou alors il nous a fui, il s'est enfui parce qu'on lui a dit. Est-ce que t'as aimé toi, voilà, un petit peu sa compagnie, travailler avec lui, c'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger dans ce cadre professionnel. Non, oui, j'ai bien aimé. Il était, ça se voyait qu'il était intéressé par le monde de la radio. Il posait des questions, etc. Et du coup, on voyait qu'il était à l'aise derrière le micro. Voilà. Et du coup, il a intervenu même durant notre émission de lundi où tu étais mon invité dans l'odeur du son pour ton ouvrage Jeu mortel. Exactement. Voilà, Dany qui est avec nous, ça y est. Oui, ça y est. On a cru que tu t'étais enfoui. Non, j'ai été retenu par une très charmante dame, du coup. Oh. Ah. Non, on ne veut pas le savoir. Non, mais tout de suite. Aïe, aïe. Comment tu vas, Dany? On va très bien. Bah, super. Donc, du coup, on va se faire, du coup, pendant cette deuxième partie d'émission Fréquence Libre, on va faire un petit débrief de tes deux semaines de stage. Du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ce stage? Non, franchement, tout m'a plu déjà parce qu'on laisse une certaine liberté aux stagiaires, du coup. Donc, déjà, faire son son questionnaire un peu avec les invités, déjà c'est déjà un certain travail déjà, et puis poser sa voix, voilà, il faut aussi avoir le contact humain, tout ça. Et puis dans la radio même d'ailleurs, voilà, enfin l'accueil, tout ça, le personnel était sympa. Je vois l'IA qui sourit, mais c'est vrai. non, sérieux, c'est pas pour faire de la lèche, non, c'est sérieux. C'était vraiment cool. C'est bien. Voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu, peut-être? C'est possible? Non, il n'y a rien qui m'a déplu. Est-ce que t'as appris des choses? Ouais. Bah déjà, là, j'étais vraiment dans le vif du sujet. Là, j'ai vraiment quasiment tous les jours posé des interviews, tout ça. Donc, c'était très agréable. Puis des fois, on se dit, voilà, je vais pas y arriver et tout. Et finalement, sans stresser, mais des fois, on se dit, ouais, je vais faire une interview, elle va faire 2 minutes. Finalement, elle en faisait plus et tout. C'était agréable. Oui, tu t'en es très bien sorti. Donc, on n'a pas posé le contexte, mais tu as fait déjà plusieurs stages dans d'autres radios. Oui. C'était à Nancy, à Fadjet. Ouais, voilà, une autre radio. Et tu as un parcours pro un petit peu éparpillé. Très, très élargi. Oui, bah, moi, j'ai été, pour faire court, essayer de faire court, j'ai été routier, livreur, facteur. Je travaillais en magasin, voilà. Et maintenant, je m'en dirige vers la musique, donc voilà. Parce que tu es musicien. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme... Comme instrument de la basse. Voilà. Et c'est quoi ton projet, alors, après? Parce que j'en ai parlé un petit peu, oui, vu que tu t'étais un petit peu envolé, on sait pas. La cape d'invisibilité, on t'a plus vu. On t'a plus vu. Donc, du coup, j'ai un petit peu posé le contact, j'ai parlé de la MAI, mais voilà, oui. C'est mieux si c'est toi qui nous en parles. On m'accuse de choses, c'est incroyable. En absence. Non, les absents ont toujours tort. Oui, c'est vrai. Tu sais. Oui. Mais maintenant que je suis là, je n'ai plus tort. Oui, donc du coup, alors oui, effectivement, projet donc, à la MAI. Donc, et sachant que quand même le programme est très vaste là-bas, oui. Donc évidemment, l'idéal serait d'être musicien pro. Après, voilà, la musique, c'est tellement vaste comme milieu qu'on peut atterrir n'importe où. Donc déjà, atterrir dans la musique serait déjà... un gros objectif, quoi. Déjà un gros but atteint si j'y arrive, quoi. Déjà, tu penses que tu progresserais beaucoup dans ton instrument si tu allais dans cette école? Oui, bah, complètement, oui. Parce que là-bas, c'est toute la semaine, quoi. C'est 35 heures par semaine, hein, que tu fais. Donc, c'est toute la semaine, du matin jusqu'au soir. Donc le soir, t'en as un petit peu marre. D'ailleurs, je peux en parler puisque j'ai eu des amis qui y sont allés. Voilà, après, forcément, c'est comme tout. Plus t'en fais, mieux c'est. Du coup, forcément, bah, quand tu fais ça toute la journée pendant un bon moment, bah, forcément. Oui, c'est vrai. Passer, quoi. Puis ce qui est bien, c'est que du coup, t'es dans une bulle, tu ne fais que ça, t'as rien d'autre à côté. Donc, tu penses pas à la grand-mère du dessous, je sais pas quoi. Tu vas bien. Donc, oui, t'es pas distrait. C'est vrai que t'as ta bulle, t'es. Voilà. Donc, c'est plus facile aussi pour aller progresser, avoir les infos que tu veux, etc. Et depuis combien de temps tu fais de la basse? Alors, j'ai commencé en 2006, donc ça ne nous rajeunit pas. Et pourquoi tu as choisi cet instrument? Alors, pour faire un peu le parcours, puisqu'on y est, le petit parcours un peu musical, moi j'avais commencé par la batterie à l'origine, donc quand j'avais 8 ans à peu près, j'ai arrêté un an, même pas un an après. Et donc j'ai fait de la basse parce que mon père était bassiste, et puis j'ai toujours dit mon amour des vieilles musiques comme le funk et tout ça, donc où la basse est proéminente, donc c'est aussi un peu ce qui m'a amené à ces choses-là, et du coup voilà. C'est trop bien la basse. Oui. Je partage. Justement, on a parlé un petit peu de ta passion pour la musique dans l'émission où j'étais invité, du coup, qu'on a écouté, quand Lia nous a passé le nouveau son des Red Hot. Oui. Voilà, Red Hot Danny Paper, c'est ça? Red Hot Danny Paper, c'est ça, tu m'as dit, un grand fan de rock. C'est mon groupe préféré, ça. Voilà. Et donc, du coup, je regardais, pendant que t'échangeais avec notre patronne, la MAI, donc c'est la Music Academy International. C'est ça. À Nancy, donc c'est une école, du coup, de musique. Alors, c'est ça. Alors, en fait, si tu veux, c'est une école un peu plus développée qu'une simple école qu'on peut trouver à tous les coins de rue. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour se professionnaliser. Donc, c'est-à-dire que tous les trimestres, tu vois, des évaluations, telle ou telle chose. Tu peux aussi choisir certains modules. Et donc, alors après, tu as quand même une trame que tu es obligé d'avoir, comme par exemple le solfège, la technique et tout ça. Et donc, vraiment, tout à la fin de cette année, tu as un bac. Ok. Un diplôme, d'accord. Donc, alors après, tu as plusieurs années aussi que tu peux faire. Tu as une année de base, donc là, celle du bac. Après, tu peux aller plus loin, mais là, c'est pareil, c'est encore des finances et tout. Donc déjà, si tu as ce bac-là, c'est déjà beau. Et voilà, donc effectivement, c'est vraiment, j'allais dire, un passeport pour la professionnalisation. Oui, il y a des grands noms qui y sont passés. Il y a beaucoup de candidats de The Voice qui ont été recrutés là-bas. Voilà, c'est vraiment l'école de référence, en tout cas ici dans le Grand Est. Il y a aussi des sacrés pros qui viennent aussi en tant que prof. Oui, c'est vraiment très, très réputé. Hein. Bien renommés qui viennent, ouais. Mais du coup, comme c'est réputé, j'imagine qu'il y a certains critères d'entrée. Alors oui, déjà, critère d'entrée, donc déjà, ça se fait en deux parties, si tu veux. Donc tu as déjà, pour t'inscrire, il faut que tu fasses une vidéo d'environ 10 minutes, mais après c'est pas forcément obligatoire, où tu fais soit des morceaux que t'aimes, soit t'improvises ou quelque chose, pour qu'ils voient à peu près ton niveau. Mm-hmm. Déjà, c'est un minimum quand même de niveau technique, etc. Suite à ça, si t'es retenu, ils t'appellent, ils t'auditionnent, donc là en direct, hein, t'y vas et tout ça. Et si t'es retenu, à partir de là, donc tu peux rentrer, donc ça se fait de septembre à juin, c'est comme une année scolaire. Ok. Voilà. Et quand est-ce que tu sauras si c'est bon, ta candidature? Vu que je vais auditionner prochainement, donc du coup, ça va se faire très très vite, donc Charles, ils répondent assez vite pour ces choses-là. Quoi. T'es stressé? Non. c'est le pire de l'histoire, non, voilà, je prends comme ça vient. Oui, tu sais, t'as bien raison. C'est comme je disais au début de mon stage, tu sais, alors ça fait un peu religieux, spirituel quand je dis ça, mais C'est très bien, spiritualité. Je prends un peu les choses comme elles viennent, si ça marche pas, c'est peut-être qu'il y avait autre chose pour moi. Oui. Et à un moment donné, je ne serais pas déçu de l'avoir tenté. C'est génial. Tout à fait. Tu vas faire quoi si jamais ça fonctionne pas? Je reviendrai avec Mozo. C'est ce que j'allais te proposer. Avec plaisir. C'est ce que j'allais te proposer. On en parlera après. Voilà, et comme le disait justement un grand homme, dans la vie je ne perds jamais, soit je gagne, soit je l'apprends. Exactement, oui. Je ne dirai pas son nom, mais c'était Nelson Mandela, bien sûr. Voilà. mais effectivement, j'ai pensé aussi à cette situation. Et puis, c'est vrai que voilà, faut toujours rebondir. Et puis, voilà, j'ai un parcours, comme disait Lia, un peu large, un peu décousu. Mais je ne suis pas mécontent non plus d'avoir eu tous ces, entre guillemets, soucis, ces échecs. Parce qu'en même temps, j'ai pu voir d'autres. J'ai pu enrichir mon âme, tu vois. Oui. J'ai pu aller découvrir d'autres univers. Et voilà, t'as découvert les ressources que tu avais à l'intérieur de toi pour enjamber ces expériences de la vie et en tirer le meilleur possible. C'est vrai que effectivement, ça fait un peu drogué là quand tu le dis. Mais non, c'est pas vrai. T'as tiré bien toi-même, man. c'est tellement vrai. Non, mais c'est vrai que il faut c'est comme certaines choses, faut tester, faut dans la vie, faut pas abandonner tout de suite parce que d'ailleurs je rebondis un peu sur le Nelson Mandela. Vas-y. Il y a un autre dicton qui dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que si tu abandonnes, en gros, que c'est un échec. Quoi. Et en fait, effectivement, tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. C'est comme quand on apprend aux enfants, goûte avant de dire j'aime pas. Tu vois. Là, c'est exactement pareil. Et donc, là, des fois, la vie, c'est ça, il faut essayer. On se casse la figure, on se relève, tant pis, et voilà, c'est ça. Voilà, c'est beau ça, on tire à loin. Oui, et merci. Une autre grande personne disait dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Tu sais pas c'est qui? Chris? Non, du tout, non. C'est... Non, mais je la connais. C'est anonyme. Paul Éluard. Voilà. Chouette. C'est ça. Donc, du coup, je vous propose une nouvelle pause musicale, si ça vous tente. Voilà. On va écouter quelqu'un que j'ai déjà reçu dans Fréquence Libre, le rappeur belge, L'Orage. Ah oui, belge, j'adore. Ou suisse, je ne sais plus. Que tu as découvert dans ma voiture quand on revenait de Bain-les-Bains. Exactement. Avec, je l'ai contacté, il était d'accord pour faire une émission avec son morceau. J'avais connu grâce au morceau Attrape-Rêve, me semble-t-il. Et d'ailleurs, grâce à toi, maintenant, il est rentré en programmation chez nous, en rotation. Ses sons sont diffusés sur les ondes de Radio Guémoza avec grand plaisir. Eh bien oui. Et là, du coup, on va passer son titre Cher Khan. Cher Khan, c'est ce tigre à dents de sabre dans le livre de la jungle. Ah oui. Voilà, avec Balou, tout ça, tout ça. Donc toujours au niveau des quelques références. Ah, c'est un morceau à nouveau typé hip-hop rap. C'est un titre sorti en 2020. Voilà, j'ai pas grand-chose sur ce titre, mais au moins il y a quelques infos quand même. Donc du coup, on écoute L'Orage avec son titre Cher Khan et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 3 minutes. Allez. Donc à tout de suite sur Radio Guimauza. C'était L'Orage avec son titre Cher Khan sur Radio Guimauza. Voilà, vous êtes de retour, vous êtes toujours en direct, il est 14h53 et 26 secondes précisément. Et je suis toujours en compagnie, du coup, à la base c'était une émission spéciale info locale, puis voilà, les aléas du direct, il y a Dany et Elia qui m'ont rejoint dans le studio, et donc ils sont toujours là, me semble-t-il. Vous êtes toujours là, oui? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais on est là, c'est l'info locale, c'est les infos Dany, là. Hein. On est là. Voilà. Donc, du coup, Dany, tu connaissais L'Orage? Oui. Voilà. Alors de nom, j'avais jamais écouté, tu vois, tu me fais une petite découverte, c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Super. Non, mais vraiment. Voilà. Ah bah moi je kiffe, hein. C'est vraiment, j'ai pas... T'as pas de retour? C'est très très étrange, dis donc. C'est vrai que pour un musicien, ça fait tâche. C'est vrai que tu m'as dit que tu as fait de la musique. Alors. Bah oui, oui, oui. Oui, j'en ai fait beaucoup de la musique. Oui, j'adore L'Orage. J'aime beaucoup son style de musique. J'aime beaucoup ses paroles. C'est un rappeur assez soft qui fait passer des messages tout en douceur, entre guillemets. Pas besoin de vulgarité, etc. J'adore ses prods. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un des rappeurs qui peut parler du coup de sujets particuliers, mais sans, comme tu dis, sans être vulgaire, comme on pourrait Château voir. Château de cartes, j'adore. Voilà, j'ai déjà écouté, j'avoue, mais je ne l'ai pas programmé. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est également un beau morceau. J'ai même son album, il m'a même envoyé son album dédicacé. Eh ben, attends. Eh ouais. Hein. Monsieur ne se refuse rien. La classe. Bien sûr. Du coup, Dany, on va se reconcentrer sur toi un petit peu. Du coup, est-ce que tu recommanderais Radio Guimauza sur TripAdvisor? Mais écoute, Chris, je recommande à qui tu veux. Non, c'est génial, c'est des petits locaux super agréables, c'est familial, c'est voilà quoi. On aimerait avoir, de manière générale, des entreprises plus souvent comme ça. Hein. C'est pas toujours le cas. Donc, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Une autre de mes citations que j'aime bien, c'est ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Oui, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. On peut faire du bon boulot, mais en rigolant, tout ça, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de patrons qui écoutent ça, parce que. Bah oui, c'est vrai. On peut donner des cours, il n'y a pas de souci. Bah ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que là, c'est un petit peu leur leçon, citation, c'est chouette. C'est ça. Voilà. Du coup. Ah, on sait plus. Non, je suis un peu perdu là. Non, mais ce que je propose, c'est que voilà, Dany revienne nous voir d'ici quelques temps quand il aura eu sa réponse pour la MAI, que ce soit positif ou pas, ou peu importe. Voilà, que tu reviennes nous faire un petit coucou. Bien et si sûr, jamais tu veux venir proposer une petite chronique ou une émission de temps en temps, tu seras le bienvenu avec grand plaisir. Et pourquoi pas? Qui sait? Avec plaisir. Donc justement, je repensais à ça. Donc du coup, tu m'as dit tout à l'heure que tu vas bientôt auditionner pour la MAI. Exact. Voilà. Donc du coup, si c'est positif, tu commencerais au mois de septembre. Bah oui, parce qu'après, si tout est bon, en septembre, c'est parti. Ok, c'est sur un cursus, c'est un cursus. Ouais, c'est sur à peu près un an jusqu'en juin, quoi. Septembre à juin, ça fait l'année scolaire. C'est ce que je disais. D'accord. Le solfège, t'en as déjà fait? Oui. Oh. C'est chiant, hein. C'est pas marrant, je sais. Moi, j'ai eu la chance, justement, d'avoir des profs, voilà, où ils faisaient pas que du solfège, parce que quand tu commences par ça, en général, tout le monde abandonne. Non, ils nous faisaient en même temps que les partitions, ils expliquaient en même temps que certaines partitions, certaines qu'on faisait, tout ça. Voilà, ça, c'est ça, mais sans non plus bourriner, comme certains profs le font parfois. Mais après, c'est ça qui fait aussi d'un musicien un bon professionnel, hein, quand il a suivi ce cursus-là. Hein. Moi, j'en ai fait 6 ans. Tu vois. Et tu vois, et ben, pour la petite anecdote, puisqu'on est dans les anecdotes, tu sais que Julien Doré avait commencé tout jeune, je crois qu'il avait commencé à 12 ans par la guitare, ouais. Et il a arrêté au bout de 2 mois parce qu'il a eu un prof qui lui a fait que du solfège, ouais. Et il a été dégoûté. Ouais. Il est revenu plus tard à la musique, de façon plus comme moi, on va dire, en faisant des morceaux, en ayant le solfège à côté, et là, ça l'a un peu moins dégoûté, il a dit, voilà, c'est le grand malheur souvent, c'est qu'on a le solfège tout de suite, et du coup, on a plus envie, quoi, il faut que ce soit plus ludique, quoi. Ah oui, oui. Après, le solfège, j'imagine que c'est une condition presque sine qua non pour y arriver, mais il faut pas faire que ça. Quoi. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de groupes qui ils vont partir sur une base, ils vont la composer, vont peut-être écrire des fois juste une mesure, après vont dire on improvise. Donc ils partent sur une trame et je peux te donner des exemples comme ça, les Rolling Stones, Jamiroquai, les Red Hot, c'est tous des mecs qui improvisent vachement, quoi. Et ça se sent au fil du temps parce que les Red Hot, c'est un parfait exemple parce que tu vois, dès qu'ils changent de guitariste, ça change de style, tu vois. Et en fait, c'est parce que justement, ils se basent beaucoup sur leur guitariste, donc ils écrivent un truc et après ils improvisent beaucoup. Oui, ils sont pas passés par la classe solfège, quoi. C'est un peu des autodidactes. En fait, c'est le solfège, mais voilà, limité, quoi. Ils aiment bien beaucoup jammer, en fait. Quoi, ça part souvent dans deux jams. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait partie d'un groupe du coup? Oui. Bah là, en ce moment, j'en ai deux. Ok. Et après, je passe un peu partout les styles aussi. Hein. Au début, alors, je jouais juste avec un batteur qui m'avait recontacté du collège. Maxime, si tu m'entends, je te fais la bise. Donc, on voulait faire un groupe de funk, tu vois. Alors, ça s'est pas fait malheureusement. Par la suite, je vais aller dans un groupe un peu à l'ancienne, néo-metal, comme ça, Zen 2000, tout ça, fusion. C'était bien foutu. Après, il y a eu donc un autre groupe qui était plus poussé, plus une espèce de groove metal. Puis en ce moment, je joue dans un groupe ça fait 2 ans le mois-ci. Je suis dans un groupe de blues rock, reprise blues rock. Voilà, Hendrix, B.B. King, Pink Floyd, les Guns, choses comme ça. On a 2-3 petites compos. C'est un peu en stand-by en ce moment. Et puis j'ai un autre groupe, plus rock grunge, parce que voilà, les deux icônes avec qui je joue sont arrivés en fait de ce côté-là du grunge. Donc voilà. Trop bien. Il faut vraiment que tu nous fasses une émission musicale, toi. Bah ouais, une émission. T'as entendu une émission musicale? Vous êtes bienvenue dans la maison musicale de Dany. C'est bilingue, ma pensée. On est bientôt, attention, l'Allemagne, c'est cool. C'est polyglotte ici. C'est plus bilingue, celui-là. Radio Kémoglotte. Et du coup, on va faire une émission, mais du coup, en tant que musicien, est-ce que t'as déjà fait des concerts? D'accord, alors je vois que c'est du patois, tu peux donner en français s'il te plaît. Donc, est-ce que du coup en tant que musicien, bien sûr, j'ai fait des concerts. Oui. Alors moi j'avais commencé, le premier concert, je devais avoir 12 ans. J'étais à la fête de la zik, à 4 jours de mes 13 ans, quoi. Je suis 25, donc c'est peut-être un signe. Voilà, c'était avec l'école de musique, puis après j'ai fait des concerts avec mes groupes, tout ça. Trop bien. Dont les sapins barbus aussi, il y a quelques années. C'est pas vrai, t'as fait les sapins? T'as joué aux sapins? Oui. Oh. Wow. Ah, classe. Bientôt, il va passer au Rocofolie, c'est pas ça le festival? Francofolie, ouais. Rock en scène, par exemple. T'as fait un petit mélange. Charrues, ouais. Ouais. On peut faire tout. Si jamais un jour on fait un Game of the Fest, Oui. Tu viens jouer? Grave. Yes. Ce serait lequel ton festival vraiment de rêve que tu rêverais de jouer dans ce festival-là? Voilà, honnêtement, j'en ai pas parce qu'il y en a tellement, tu sais, en plus dans tous les styles, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a les Nancy Jazz Pulsation, il y a des bons trucs. Il y a pareil, il y a le festival de Montreux aussi qui est pas mal. Plus métal, il y a évidemment le Hellfest. Faut toujours réserver 6 ans à l'avance, sinon tu ne jamais rien. Il y avait une année, je vois. Plus localement, tu peux faire au Pied Orange est proposé par chez Narcisse du Val d'Ajol, que l'on embrasse, et qui reprennent cette année. Là, ça y est, c'est lancé, la programmation est lancée, et c'est tout à fait dans ton style, très. Même s'ils sont beaucoup plus éclectiques aujourd'hui, ça reste vraiment la base de leur amour punk rock. Je suis très éclectique, donc de toute façon, voilà. Ben voilà. Ça me change. Pourquoi pas s'il est contacté? Et donc, justement, en tant qu'artiste, que musicien éclectique, est-ce que tu as un style que tu préfères jouer? Alors là, c'est compliqué. Merci. Parce qu'après. je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Parce que du coup, après, c'est comme je disais aussi, c'est par période. C'est souvent, voilà, quand t'es éclectique, c'est souvent, un coup, tu vas écouter du reggae, puis après, tu vas écouter du funk, puis après, tu vas écouter du rock. C'est par période. Et puis, des fois, t'as un chagrin d'amour, alors tu vas écouter des trucs blasants, t'as envie de te suicider. Ne me quitte pas. Non, là, ça va, je trouve pas ça assez triste, mais si t'écoutes un bon slow des années 80, là, qui te fout vraiment les poils. Non, franchement, style, ouais. La bonne funk à l'ancienne, ouais, ça j'aime bien. C'est trop bien. Mais voilà, la bonne fusion aussi, parce que mélange funk rock, voilà, les années 80-90, c'était bon. Mais l'humain, il est bizarre, il est triste, il écoute des musiques pour se rendre encore plus triste. C'est vrai, oui. On a besoin de vivre nos émotions pleinement. Ouais, mais bon. Oui. Et quand il est heureux, est-ce qu'il écoute des musiques? Non, mais c'est vrai, on se faisait la réflexion avec des potes, on se disait, c'est quand même con l'humain, quand même. C'est vrai. Écoute, c'est un autre sujet. Oui, et puis bah, au pire, si tu veux, t'écoutes pas du tout de musique, comme ça tu balances. Ah non, impossible. Tu déconnes. Ah non, mais tu déprimes, moi je parle. Non, mais la musique. Oui, tu coupes. Oui, voilà. Mm. Tu te balances sur ton lit, puis après ça va mieux. Il vient me chercher. Non, la musique, c'est. Ça tourne à schizophrénie. C'est la base. La musique, c'est la base. Oh, Festival Asylum, putain, tu viens de me. Je vais créer un truc. Hein. Mm. Bon, voilà. Et il faut que je réussisse la musique. Ouais, on viendra juste devant chez Gemozo. Ouais. Ils sont tous en blouse blanche. Comment ça se fait? Du coup, ce que je peux proposer, du coup, il est un peu plus de 15h, mais c'est pas grave, on est bien ici à Radio Gemozo. Pourquoi ne pas nous faire le célèbre morceau Californication des Red Hot? Au coin du feu, c'est bien. Ah, génial. 15h02, coin du feu. Exactement. Donc, on écoute les Red Hot qui vont, comme si Lia qui nous l'a appris, qui vont sortir un prochain album, d'ailleurs. Oui, en avril. Voilà, le 1er avril 2022. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Pardon. Mais du coup, ils se sont réunis. C'est le groupe de base qui s'est réuni, là? C'est ça. Alors, pas de base réellement. Il faut savoir que Frusciante et Smith, le guitariste et le batteur, sont arrivés en 88. Alors, Chad Smith, lui, est toujours resté. Par contre, John Frusciante a fait de nombreux allers-retours dans le groupe pour diverses raisons. Voilà. D'accord. Alors, souvent, il a souvent avancé que, voilà, première fois qu'il est parti, c'est parce que il était loin de sa copine et qu'il en avait marre de tourner mondial, parce que, c'est quelque chose, hein, quand même, hein. Quand tu tournes dans le monde comme ça, c'est quand même. Oui. Avec les problèmes de drogue que ça implique, souvent d'alcool, tout ça. Oui. Et puis bon, après, quand il est revenu, il était tout content, il est reparti une deuxième fois, parce que là, il trouvait qu'il devait dissocier sa musique du groupe, quoi. Et puis là, finalement, il est revenu. Ça fait penser un peu à Fred Mercury, l'histoire. Mm-hmm. À quelque part. Hein, qui voulait vraiment se lancer dans son propre style, et puis au final, qui est revenu. C'est ça. Mais à quelque part, c'est ça. Donc du coup, Californication, tiré de quel album, Danny? Californication. Tout à fait. En 99, s'il te plaît. Voilà. Waouh. Quelle culture. Oui, j'étais jeune à ce moment-là. Culture Dany, tu sais, il faut que tu fasses un truc. La culture musicale par Dany. Non, mais tu sais que la culture, j'aime bien ça, hein, j'aime bien me cultiver, vraiment. Je sais. Je suis un grand fan du 12 coups de midi. Donc, Louis XIV. Louis XIV, la mais moustache. Oui. La moustache. Les tours tannus. Les États-Unis, la musique et tout. Oh, on va aller loin. Ça me fait penser à quelque chose que tu parles de Louis XIV. Ça me fait penser à Louis XV. Parce que. Non, mais si, parce que j'ai appris ça, du coup, Johnny Depp, le célèbre acteur Johnny Depp, va interpréter normalement le rôle de Louis XV dans un prochain film réalisé par Mai Wen, que tu es censé nous avoir quand même, Johnny Depp. Hein. Tu exagères. Ouais, j'essaye, mais c'est difficile de le contacter. Hi Johnny. Voilà, hi Johnny. Donc, du coup, Johnny will be in France soon. C'est-à-dire Johnny sera Johnny, en France. Johnny, can we help, please? Voilà. Donc, du coup, on se lance dans Californication et puis on verra bien après, par la suite, ce qu'on fera. Allez. Voilà. Allez, à tout de suite.

Californication, des Red Hot Chili Peppers, un petit peu de rock, funk rock, voilà, ça fait du bien. Sur Radio Guémozo, vous êtes bien sûr en direct, il est toujours, il est 15h10, et je suis toujours en compagnie dans nos locaux de Lia et de Dany, qui sont toujours parmi nous. Donc bon, la question va paraître super logique, mais qu'avez-vous pensé de ce morceau ? Oh bah moi, tu sais déjà ce que j'en pense, hein. Ouais. Forcément, c'est mon groupe préféré, donc voilà, Red Hot Danny Peppers, Californication. Moi, c'est un grand kiff aussi. C'est un de mes sons préférés des Red Hot, même s'ils ont fait beaucoup de choses exceptionnelles. Mais je trouve que ce son, il fait passer une émotion particulière. Et j'avais chanté ce son dans un des groupes dans lequel j'étais chanteuse. Et, d'accord. Ouais. Ah bah moi non plus. Ouais, voilà. Et puis du coup, puis la voix du chanteur, comment il s'appelle déjà le chanteur ? Anthony Kiedis. Voilà, toujours. Voilà quoi. Oui, oui, oui, oui. Donc du coup, tu nous as dit pendant cette pause musicale que tu voulais nous partager une petite anecdote sur l'album. Bah oui, alors cet album-là, puisqu'on parle de leur retour. En 99, justement, Californication, ça marque un peu le retour des Red Hot. D'accord. Mais version pop-rock. Alors, c'est assez bête à dire. On se dit toujours, oui, ils ont changé parce qu'ils avaient envie de changer. Eh ben, c'est un peu plus complexe que ça. Faut savoir qu'en 98, donc un an auparavant, David Navarro, qui était l'un des innombrables remplaçants de John Frusciante, avait quitté le groupe pour de nombreuses disputes. Et il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que Kiedis, lui, était très accro à la drogue. Flea avait des problèmes de couple. Et donc, à un moment donné, Flea a voulu, qui était un peu, pour moi, l'âme même du groupe, tu vois, ce qui est assez rare pour un bassiste, a voulu quitter le groupe. Et Kiedis a dit, non, parfois, il a dit, écoute, moi, la seule chose, si tu veux que je reste, c'est faire revenir John. Il me dit ok. Donc alors les deux ont déjà réglé leur problème. Ils ont retrouvé John Frusciante, qui lui avait un vrai toxico. Il était à la rue, il avait plus rien, il avait plus de gratte. Tu vois, il était en cure de désintox, il avait même perdu ses dents et tout, tu vois, c'est des fausses dents. Et il était assez jeune à l'époque, il avait 28 ans. Et ils ont fini par le retrouver. Et ils ont dit, écoute John, ça dirait de revenir avec nous. Et là, John Frusciante a pleuré, il a dit oui, avec un grand plaisir. Et quand ils l'ont récupéré, ils n'avaient plus de stade pour répéter ni rien. Flea a aménagé un petit studio dans son garage à Los Angeles, dans une de ses villas, tout. Donc ils sont assez vite retrouvés une alchimie, tu vois. Mais Frusciante, qui ne jouait plus depuis un moment, à cause de ses problèmes de drogue et qu'il était à la rue, il n'avait plus rien du tout, vraiment plus rien. Mais il avait du mal à jouer. Et jouait beaucoup plus simpliste. Et de là est né, en fait, leur son pop-rock qu'on a connu par la suite, des années 90-2000. Incroyable. Des trucs, tu vois, finalement, d'une chose toute bête, en fait, ils ont eu encore plus de succès qu'avant. Mais oui, c'est souvent comme ça. Ouais. Hein? Ouais, bah c'est bien, ça c'est intéressant les histoires des groupes. Ah mais des choses qu'on soupçonne pas hein, des fois quand on entend même des histoires de chansons tout ça tout bêtement. Ah bah c'est mieux parce que ceci cela, des fois tu dis waouh. Eh oui. Ouais, c'est très intéressant et puis on a un beau spécialiste dans le studio du coup. Ah, mais oui. Merci, merci. Voilà. Et du coup, il est 15h12. Ouais, déjà 15h12. Le mec est super déshabillé ouais, déjà. Du coup, est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter Lia, Dany? Non, bah. Suite au prochain épisode. Voilà. Ok, bah écoute, voilà, c'est. On espère assez rapidement l'épisode, mais. Non, mais c'est ça. Et puis, du coup, donc, tu termines du coup ton stage, malheureusement, demain déjà. Ouais. Voilà. Déjà. Voilà, j'espère qu'on t'aura laissé des bons souvenirs. Ah, mais il n'y a que des bons souvenirs. Ouais, coucou. Alors, pourquoi ce cri? Parce qu'il y avait une. Lia est en train de prendre en photo. Justement. Voilà. Je me sens belle. Parce que je vaux bien. Faut quand même se dire que ceux qui nous écoutent, ils nous voient pas quand même. Mais ouais, mais moi je m'en fiche, tu vois. Je vais exposer ma joie. Il faut donner la bonne humeur quand même par ces temps. Oui, moi, en plus, il fait tout gris. Il fait tout gris moche. Non, tout gris moche. C'est à l'avantage de la radio. Les auditrices, auditeurs ne nous voient pas, sinon il y en aurait beaucoup qui auraient pris peur. Mais je t'informe qu'il n'y a pas que moi. Hein. Des fois, on prend cours de route, on ne sait pas. Hein. Du coup, demain, ta dernière interview. Eh oui. Ouais. Avec qui? Quelqu'un. Non, on n'a pas encore le contact alors. Puis mais j'ai pas envie de spoiler. Mais si, c'est pour Mister Brioche. Oui, mais Mister Brioche, je le sais ça, mais j'ai pas le contact exact. Ah oui, d'accord. Non, parce que toi tu me dis le contact. Ah oui, d'accord. Pour quel événement alors? Pour Mister Brioche. Voilà, donc Mister Brioche. Et du coup, t'es une autre sortie diffusée demain à 17h, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, pour on entendra ta voix mélodieuse à l'antenne. Oui. Oui, merci. Il était super sympa, en plus, le monsieur que tu as interviewé mardi. Oui. Pour Des Hautes Mines du Tillot. Oui, Sébastien Georges. Voilà, qu'on embrasse, qui reviendra bientôt pour une émission plus longue, pour qu'on puisse approfondir ce sujet incroyable, parce qu'elle date vraiment d'il y a très longtemps, ces mines, et c'est vraiment du patrimoine vosgien. Tu m'as pas eu quand même, hein. J'ai retenu, c'est pas ça. C'est quoi 1650, je crois? Oui, que la création est à partir de 1700 quelque chose, ils ont commencé à laisser tomber un peu à... Non, mais enfin, plus ou moins, quoi. Après, c'était plus un peu un lieu de, voilà, un peu mémoriel. Ah oui, dire, oui, ok, d'accord. Donc, du coup, c'est Sébastien Georges qu'on entendra demain dans ton billet de sortie également. Exactement. Voilà. Qui était très sympathique d'ailleurs. On le remercie. Mais oui, c'est vrai. Parce que pour ça, je dis parce que voilà. Et on remercie toutes les personnes qui sont intervenues, du coup. Pour, oui. Donc, Eroticard, oui, la fête de la randonnée. Fête de la randonnée, je ne sais plus, j'ai un trou. Oui, voilà. La fête de la randonnée à Épinal. Oui, oui, je ne sais plus c'était qui. C'est ça que je dis. Ah fait, oui, d'accord, ok. C'était une dame. Parce que là, il me dit Eroticard, tout de suite, je dis Lucas Thuria. Oui, c'est vrai. D'un coup, la fête de la randonnée, la 25e semaine de 10 jours, du coup, de la photographie. Tout ça. Vous entendrez, du coup, tout ça dès demain à partir de 17h. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Cette émission sera rediffusée demain, cette émission un peu particulière, un peu à la One Again, comme on dit dans le genre. Elle sera rediffusée demain, vendredi, à 18h, avec le podcast de cette émission postée sur notre page Facebook et sur notre site internet. Concernant la suite, je vous laisse en musique avec Lolomis et son titre Romano Oro. Ah, trop bien, Lolomis, tu connais ? Oui, de nom. Ouais, c'est un groupe local. Voilà. Dont la chanteuse était l'élève de ma maman. Ah, ouais. Bah, les grands esprits se racontent. Voilà. Des petits, qui a commencé par la clarinette et qui aujourd'hui, voilà, a son groupe qui marche très bien. Et j'adore, c'est vraiment très particulier et bonne écoute. Voilà. Avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle j'avais la grande joie et le grand honneur de recevoir par téléphone Benjamin Pascal, comédien de doublage, voix off et musicien. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Brigitte Tissot, qui sera là pour nous parler du concours international du piano de cette année. Brigitte Tissot, que j'avais d'ailleurs reçue l'année dernière, en mars, me semble-t-il, pour parler déjà du concours international de piano, mais de l'année dernière, du coup. Voilà, donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et je vous laisse du coup avec Lolomis et Romano Oro. Donc, salut tout le monde et à demain. Salut, salut. Bonne écoute.